Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Et quel plaisir pour moi de vous retrouver tous les samedis et dimanches pour cette émission classique. Jean-Sébastien Bach, et ben c'est avec lui qu'on ouvre aujourd'hui. Jean-Sébastien Bach et ses suites pour violoncelle, il en a composé 6. On va écouter la première parce que le prélude est vraiment très célèbre et toujours agréable à réécouter. Bach, en allemand, ça se traduit en français, plutôt Bach se traduit en français par ruisseau. Et c'est vrai que ce prélude, ben on a l'impression que c'est un petit filet d'eau qui sort de terre et qui va s'élargissant pour devenir un ruisseau. Voici ce prélude de la suite pour violoncelle numéro 1, BWV 1007, par Janos Starker. Superbe interprétation de Janos Starker, l'un des grands violonistes du XXe siècle, le prélude de la suite pour violoncelle numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, BWV 1007. Et on continue avec un disque dont j'ai déjà parlé dans l'émission d'hier, le disque de la pianiste Marie Vermeulin, qui nous propose le recueil L'année das Jahr de Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix Mendelssohn, qui malheureusement n'a pas composé certainement autant qu'elle aurait pu, autant qu'elle aurait dû, parce qu'elle a été bridée, bah oui, parce qu'une femme qui compose dans les premières décennies du 19e siècle, ça ne se fait pas, d'ailleurs tout au long du 19e siècle, et bah, évidemment, Fanny Mendelssohn, elle n'a pas vraiment été encouragée, ni par son père, qui lui a dit « bon, arrête ça, fais de la musique pour toi, mais voilà, n'essaye pas de te faire connaître », et puis par son frère, pourtant, dont elle était très très proche, parce que Félix et Fanny, c'était vraiment frère et sœur, il y a quelque chose de fusionnel. Eh bien, Félix lui a dit « Non, non, tu ne dois pas composer parce que, bon, une femme doit tenir sa maison, elle doit s'occuper de son mari, ses enfants, etc. » Et d'ailleurs, ça va perdurer très longtemps, hein, parce que Mahler, Gustav Mahler, avait épousé Alma Schindler, qui était elle-même compositrice, et Mahler avait carrément interdit à sa femme de composer. Ben là, on était au début du XXe siècle, hein, quand même. Hein. Bon, on va écouter un extrait encore de ce recueil d'As Yar, l'année de Fanny. Hier, je vous ai proposé les mois de mars et avril. Eh bien, on va avancer un petit peu dans l'année. Voici le mois de septembre. Et toujours l'interprétation de Marie Vermeulen. Un extrait de l'album de Marie Vermeulen consacré à Fanny Mendelssohn, le recueil d'As Yar, l'année, et c'était le mois de septembre. Et bien, on va réécouter un autre extrait de ce disque en cours d'émission. Hein. Et un disque qui est paru récemment aussi, c'est un disque du label Château de Versailles, et oui, qui édite des disques depuis quelques années, et qui nous propose, alors là, vraiment une rareté, un oratorio de Mozart, Köchel 35, donc vraiment une œuvre de la prime jeunesse, Le devoir du premier commandement. Alors, cet oratorio figurait dans la fameuse intégrale brillante classique parue il y a une quinzaine d'années, où il y avait vraiment l'intégrale Mozart, et une intégrale d'ailleurs qui avait eu énormément de succès parce que c'était vendu à un prix tout à fait raisonnable. Et beaucoup, je pense, étaient passés à côté de cet oratorio. Et c'est une œuvre, en fait, que Mozart a composée à 10 ans. Il revenait d'un fameux séjour en Europe, à travers l'Europe, où il avait eu beaucoup de succès avec son père Léopold et sa sœur Nannerle. Ils avaient été reçus un peu dans toutes les cours d'Europe, ils avaient stupéfait le monde parce que, évidemment, c'était des enfants prodiges incroyables, et surtout Wolfgang, bien sûr. Et évidemment, plus tard, quand adulte, Mozart va retourner à Paris accompagné de sa maman, eh bien le succès ne sera pas le même, l'accueil sera beaucoup plus glacial. On aimait bien les singes savants, bah aujourd'hui aussi quand même quelque part. Hein. Bon, on va écouter un premier extrait de cet oratorio, la symphonia qui ouvre l'œuvre, qui sort d'ouverture, avec l'ensemble Il Caravaggio, dirigé par Camille Delaforge. Une interprétation soignée, pensée, moi j'aime beaucoup. Hein. C'était donc la symphonia qui ouvre l'oratorio de Mozart, le devoir du premier commandement. Et c'était l'interprétation de l'ensemble Il Caravaggio, dirigé par Camille Delaforge. On va écouter un autre extrait, parce qu'évidemment, il faut écouter aussi les parties chantées pour une œuvre comme ça qu'on connaît mal. Et pour se rendre compte aussi de la science que pouvait avoir Wolfgang Amadeus à 10 ans seulement. Bon, on va pas non plus se mentir, à mon avis, le père Léopold a été au-dessus de l'épaule de son gamin. Il a peut-être touché ici ou là, mais enfin quand même, on peut penser que l'inspiration est réellement de Wolfgang Amadeus. Voici un air tiré encore de cet oratorio, Le devoir du premier commandement, chanté par Gwendoline Blondel et toujours l'ensemble Il Caravaggio que dirige Camille Delaforge. Thank you. C'est vraiment du bel ouvrage. Hein. Quel travail il y a eu sur cet enregistrement de la part des interprètes. Hein. C'est assez fabuleux. C'est pas une œuvre mineure, finalement. Parce qu'on va considérer qu'une œuvre est mineure. Mais oui, parce que ça dépend de l'interprétation aussi. Et là, vraiment, ce sont des interprètes qui ont vraiment travaillé beaucoup sur cet oratorio de Mozart, Köchel 35, une œuvre composée par un Mozart de 10 ans. On a entendu la belle voix de Gwendoline Blondel. Et l'ensemble Il Caravaggio était dirigé par Camille Delaforge. Un disque publié par le Château de Versailles qui maintenant publie des disques. Vous écoutez Discothèque Classique, votre magazine classique le samedi et le dimanche sur Radio Fadjet. On continue avec un peu de Dvorak. Eh oui, parce que récemment, il y a eu un concert de l'Association Lorraine de Musique de Chambre qui nous a proposé le quintet opus 34 avec piano de Johannes Brahms et par le quatuor Talisch et Jean-François Esser. Et en deuxième, en bis, on a eu droit à un extrait du quintet opus 81 avec piano de Dvorak, une œuvre magnifique, toujours avec un petit peu des ingrédients de musique de terroir, des furiants, comme souvent note Dvorak dans ses partitions. On va écouter le scherzo, qui est un furiant justement de ce quintet avec piano opus 81. J'ai choisi l'interprétation de Svatoslav Richter, fameux pianiste, et avec le quatuor Borodin. Thank you. magnifique Furian tiré du Scherzo, enfin le Scherzo tiré du quintet avec piano opus 81 de Dvorak avec le quatuor Borodin, Svatoslav Richter au piano. Et bien puisqu'on était dans les musiques de terroir d'Europe centrale, voici un traditionnel Tzigane très connu, Les yeux noirs, que je vous propose d'écouter avec le violon de Roby Lakatos. Ça, c'est vraiment, ça décoiffe. Hein. C'était Les yeux noirs, traditionnel Tzigane, joué par Roby Lakatos, et son ensemble. Et on va continuer avec un hommage à nouveau à José Vandamme. J'avais déjà rendu hommage à José Vandamme il y a quelques semaines en proposant des extraits de la création de Haydn et du Requiem de Mozart, tous les deux sous la direction de Karajan, avec lequel il a souvent travaillé. Et j'ai eu envie de l'écouter quand même dans de l'opéra. Baryton basse exceptionnel, il était belge, il était né en 1940, il nous a donc quitté au mois de février dernier. Et c'est une perte vraiment importante pour le monde lyrique, José Vandamme. On va l'écouter dans l'un des rôles qu'il a le plus interprété, qu'il a beaucoup interprété, c'est le rôle d'Ansax tiré des maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner. Et c'est la version réalisée avec Sir Georg Scholti et le Chicago Symphony Orchestra. Alors, ces maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner, c'est un opéra de 1868 où il est question d'un grand concours de chant et de poésie dominé par la figure de Hans Sachs, le fameux Hans Sachs qu'incarne donc José Vandamme dans la version qu'on va écouter. Poète et cordonnier qui va se charger d'enseigner la poésie au jeune Walter von Stolzing en vue de remporter ce concours, dont le principal lot est la main d'une jeune femme, Eva. Allez, on écoute la conclusion des maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner, la voix de José Vandamme, le chœur et orchestre symphonique de Chicago, tous dirigés par Sir Georg Scholti. Drum es war, wo er, er teure Leid. Conclusion des maîtres chanteurs de Nuremberg, de Richard Wagner, avec José Van Damme, le chœur et orchestre symphonique de Chicago, direction Sir Georg Scholti. Et on va retrouver le disque de Marie Vermeulen, que j'ai présenté hier et aujourd'hui, consacré à Fanny Mendelssohn, l'année Das Jahr, après vous avoir proposé mars-avril hier, septembre tout à l'heure, et bien voici octobre, toujours donc joué par Marie Vermeulen, très très grande pianiste, pour ce disque publié par le label Présence Compositrice. Octobre, tiré du recueil Das Jahr, l'année de Fanny Mendelssohn, joué par Marie Vermeulen. Bah oui, évidemment, quand on évoque les saisons d'automne, il y a toujours un petit peu une connotation de chasse. Hein. C'est pareil dans les saisons de Haydn, mais aussi dans les saisons de Tchaïkovski pour piano également. Très bel enregistrement qui est proposé par Présence Compositrice. Un peu de violon maintenant, avec une des pages les plus célèbres pour violon et orchestre, la méditation de Thaïs. C'est, à ma connaissance, le seul exemple d'une pièce concertante inclue dans un opéra. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une œuvre, évidemment, qu'on aime toujours à réécouter. Je vous la propose, cette méditation de Thaïs, avec le violon de Leila Josefovics, l'Academy of St. Martin in the Fields, et dirigée par Sir Neville Mariner. Thank you. La méditation de Thaïs de Jules Massenet, avec le violon de Leila Josefovics, et puis l'Academy of St. Martin in the Fields, très bel orchestre, dirigé par Sir Neville Mariner. Et vous écoutez Radio Fadjet, c'est votre magazine classique, discothèque classique jusqu'à midi, c'est le samedi et le dimanche. Et on continue avec un peu de Johann Stamitz. C'est un compositeur allemand, né en 1717, mort en 1757. Il est considéré comme l'un des concepteurs de la forme moderne de la symphonie, sous la forme sonate, c'est-à-dire en quatre mouvements. Et il est né à Mannheim. Il y a d'ailleurs plusieurs compositeurs qui étaient en poste à Mannheim à la même époque que Stamitz. Et c'est ce qu'on appelle l'école de Mannheim. Mais donc Stamitz n'est pas resté toujours en Allemagne. Il est parti aussi en France à l'invitation du riche fermier général, monsieur de la Pouplinière, qui était le protecteur de Rameau. Et donc il y a eu envie d'avoir à son service ce compositeur et violoniste allemand. Et là, évidemment, il va faire jouer ses œuvres à Paris. Il va rencontrer Gossec et d'autres compositeurs français. On va écouter un peu de la musique de Stamitz, une symphonie Fa majeur opus 4 numéro 1, l'Allegro molto avec le Northern Chamber Orchestra dirigé par Nicolas Vard. Allegro molto de la symphonie en Fa majeur opus 4 numéro 1 de Johann Stamitz avec le Northern Chamber Orchestra, direction Nicolas Vard. Un disque paru récemment chez Analecta, un label canadien, qui nous propose des pièces pour deux guitares et notamment des arrangements pour deux guitares, des pièces lyriques de Grieg, enfin de certaines pièces lyriques de Grieg. Sur ce disque, on trouvera également du Ravel, du Satie, du Germaine Taillefer, du John Cage. et du Federico Mompou. Alors voici Arietta, sans doute l'une des plus célèbres pièces lyriques pour piano de Grieg, transcrit donc pour deux guitares, avec les guitares d'Adam Cicilitti et Steve Cowan. Arietta, pièce lyrique d'Edvard Grieg, interprétée pour deux guitares, dans une version pour deux guitares, interprétée par Adam Cicilitti et Steve Cowan. Bah, si ça vous a plu, c'est un disque publié par Analecta, très bon label canadien. Et on va terminer l'émission avec Moussorgski, revu par Ravel, c'est-à-dire que Moussorgski a composé ses tableaux d'une exposition pour piano, et puis Ravel les a orchestrés. D'autres compositeurs, d'ailleurs, ou chefs d'orchestre, ont essayé d'orchestrer les tableaux d'une exposition de Moussorgski, mais c'est toujours inférieur, le résultat final est toujours inférieur à la version de Maurice Ravel. C'est pourquoi aucune autre version ne s'est finalement imposée autour de ces tableaux d'une exposition de Moussorgski orchestrés. Et c'est vrai que c'est une partition tellement puissante que celle de Moussorgski, qu'évidemment, elle appelait l'orchestre. Alors voici la conclusion de cette œuvre magistrale, La Grande Porte de Kiev, avec l'Orchestre Symphonique de Chicago, dirigé par Fritz Reiner. La grande porte de Kiev qui conclut les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski, orchestration de Maurice Ravel, l'Orchestre symphonique de Chicago, était dirigé par Fritz Reiner. Et ben voilà, notre odyssée musicale se termine. Bon, on se retrouvera le week-end prochain, bien sûr, hein, à partir de 11h, le samedi et le dimanche, pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et je vous dis à très très bientôt, j'espère.